bon début. C'est un bon début. Hein. Oh yeah. Je me suis réveillée. Et là, il était comment la fille avec laquelle il était? Ah, elle était, mais c'était métisse. Ah, j'espère que c'est pas moi. Moi, je vais pas parler. C'est pas mon style. Non, c'était pas toi, là, sur toi. Ouais, mais on dit que tu sais. Non, mais c'est marrant parce que c'est un vrai rêve. Hein. C'est vraiment arrivé dans mon rêve. Oui. Mais tu étais comment? Tu étais un peu jalouse? Tu étais contente? Moi, je me suis dit, oh putain, ça arrive à nouveau. Ouais. Ouais. Mais on dit que peut-être les rêves, c'est une partie de nous aussi. Donc peut-être c'était toi aussi, cette fille. Ouais, c'était moi. Une partie de toi. Mm. Non, c'est une partie de nous. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Farouk ensemble, en couple? Comment tu dis? Combien de temps vous êtes en couple? Je sais plus. Ça fait 2 ans moins 4 mois. Mais c'est bien! C'est ça ou pas? Et vous entendez bien? Comment? Tu t'entends bien avec lui? Des fois, on s'entend bien, oui. Par exemple, aujourd'hui, tiens, c'est une bonne journée. Parce qu'on a bien mangé. On a bien mangé, docteur Hérault, merci. Faudrait une table, d'ailleurs. Faudrait une table, madame. Arrête de couper au micro, s'il te plaît. On peut te connecter. Tessa, on peut se connecter à ton réseau parce qu'ici, on a perdu le truc. Bah voilà, madame, que j'ai fait. Macro. Attends. Bacro, plutôt. J'ai fini de raconter mon rêve. Oui, attends, on reprend parce qu'on a, un problème. Qui était horrible. Non, c'est un rêve assez normal par rapport à tes rêves que tu as en général. D'ailleurs, j'ai pas tout raconté, mais après, c'est trop. C'est parti. Ça devient. Érotique. En film. Non, ça devient en film de. Tiens, il y a Momo. Ça va, Momo? Ça devient en film des. Comment on appelle les films où il y a des morts et tout ça? Des films de. Des films d'horreur. Ça devient un vrai film d'horreur dans mon rêve. Je vais arrêter là. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé après? On est C'est. Non, c'était atroce. Non, ça finissait comment? Ça finissait mal, hein. Je me suis réveillée dans mon rêve. Je dis, mais non, tu recommences pas quand même. Il m'a dit, bah si, mais tu t'es réveillée. Oui. Ouais, non, mais c'est ça le rêve. Si, c'est un rêve. Bah, je me suis réveillée, il était en train de dormir en fait, à côté de moi. C'est ça ou pas? Non, tu n'étais pas là. Farouk, est-ce que tu veux dire quelque chose? Vas-y, prends un micro, défends-toi. Farouk, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Par rapport au rêve, vas-y. MDR. Bonjour. Bonjour, chérie. Ce que je peux dire, c'est que. J'ai rêvé de toi. Hein. Bah, ça arrive, moi aussi. Toi aussi. Mais. Ça va pas avoir une signification. La signification est marrante. Hein. La signification, elle dit que. Il va rester toute ta vie avec toi. Voilà, c'est ça qui est la signification. Si. Tu vas rester toute ta vie avec moi ou pas? C'est ça la signification? Non, c'est pas ça la signification. C'est quoi? C'est que je fais pas confiance en toi. T'as pas confiance? Ouais. Qu'est-ce qu'on règle nos problèmes? Hey, ouais, c'est ça, je me disais pourquoi on parle à la radio. Je raconte un rêve et toi tu prends le micro. De quoi je me mêle? C'est Martin Bacro, non, là, il fait n'importe oui, quoi. Non, mais c'est un rêve droit. Si tu rêves de lui, t'es là à côté. Si tu peux parler non, mais il était juste là dans mon rêve. Tu as rêvé de quoi à ce moment-là? Tu rêvais d'autre chose? Tu m'as dit toi aussi, tu rêvais de moi. De quoi t'as rêvé dernièrement? Ah, moi, le dernier rêve. On va dire que je sortais dans la rue avec toi et les gens te reconnaissaient. Partout. Partout. Pourquoi faire? Aucune idée. Ils me reconnaissaient, ils disaient quoi? Ah, c'est elle, c'est elle. C'est elle, c'est elle? D'une voix comme ça, c'est elle, c'est elle. Non, c'est. Ah, regardez, c'est elle. D'une voix joyeuse ou méprisante? C'est, je sais pas, partager les deux. Il y avait des gens qui m'aimaient et puis d'autres qui m'aimaient pas trop. Martin Bacro, voilà. J'adore tes effets. c'est le fait du rêve qu'on ça. C'est trop bien. C'était ça ou pas dans ton rêve? Donc dans ton rêve, moi je suis une personne célèbre, comme je t'avais toujours raconté. Voilà, on va dire ça. Voilà. Mais c'était un rêve. Autrefois, t'as rêvé de moi d'une autre sous manière. Sous un autre jour. Sous un autre jour. Tu fais des rêves marrants, dis donc. Non, c'est... je sais pas. Ouais. C'est marrant, tes rêves. Peut-être qu'il raconte le futur, tiens. Ou le présent. Ou le passé. Le passé. Il n'y a pas d'effet sur le bien. Parce que toi, t'es pas marron. Attends, si, si, je mets, attends. Je m'y fous par pourtant. Vas-y, continue. Il n'y a rien. Ah, si. On dirait que je suis dans un tunnel profond. Lumière au bout de ce tunnel. Il y a une lumière. Non, il fait totalement noir. Ah. Ça a trop sorti. Mais la résonance fait que il y a une sortie. Mais toi, t'as tellement résonance. C'est moi la sortie. Je sais pas. Oh, en tout cas, bah, c'était. Bah, c'est pas grave. Ah. J'avais pas compris la question. T'as dit, il y a quoi à la sortie ? Non. Si t'étais à la sortie ? Non plus. Mais je sais pas, moi, je parle juste de l'effet de la radio. Ah, enfin, de... là, c'était une vraie rubrique amoureux. Je vous invite à y participer. Ouais. La prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Appelez-nous, Radio Metanoia. Ah, oui, oui, le micro. C'est... Oh. 4. Oui, super. Alors, dehors, il y a quelque chose de très très grand. Il y a quelque chose de ouf même dehors. Oh, quoi ? Là, c'est écrit des conchettes, mais c'est pas des conchettes, c'est des jettes. Les jettes sont une variété de plantes qui poussent à partir du. Attendez, c'est quoi ? On est en mai ? Avril. Donc les jettes poussent en avril. Oui. Viens parler des jettes avec moi, viens. Merci, au revoir. Merci, Farouk et donc, maman de Mélina. C'est super. Au revoir. La colonne rêve, c'est, amour. C'est... Super, merci de partager vos rêves avec nous. C'est monsieur Jimmy qui m'a dit ce n'est pas des courgettes, ce sont des jettes. Wow. Ce ne sont pas des courgettes, ce sont des jettes. N'est-ce pas ? Jettes. Il est d'accord avec moi. Des jettes. Ce ne sont pas des courgettes, mais des jettes. Parce que déjà, de 1, les courgettes, ça ne pousse pas en pot. Juste ça. Oui, des jettes sont une nouvelle variété française. Seigneur. Non, là, t'inquiète pas, je passe à la radio. C'est super. Top. Bon, et vous pouvez nous appeler à Radio Metanoia, nous raconter vos rêves, vos histoires d'amour, vos courgettes. Et vos histoires de courgettes. Surtout, si vous avez des plantes en pot. Surtout vos courgettes. Non, des jettes. Des jettes, pardon. Ne jettez pas les courgettes. Ne jettez pas votre courgette. Jette par terre. 06 60 27 06 79. Et là, on va y aller avec la musique. Viens, tu peux, Siol, tu peux nous représenter ton projet là, parce qu'on est parti sur l'amour là, on a parlé longuement, hein. Beaucoup de choses, bien. Christina, c'est toi qui vas voir la chronique d'amour. Ouais. Dune, prends un micro là, Dune. Get ready for the next battle. Tu parles. Après Siol, après. Je t'en prie, vas-y. Je m'appelle Nero. Non, sérieusement. Du coup. Oula. Comment ? Ça va être différent aujourd'hui. Ça va vraiment être très différent. Vas-y, présente-nous le projet. Qui a parlé ? Non, là, c'est très. C'est de la négativité. C'est beaucoup de négativité dans le son qu'on va faire. Mais je peux commencer par négatif ? Bien sûr. Et après, je vous passe le relais. Mm-hmm. Qui voulait commencer ? Vous ? Mais si je me souviens de la chanson. Oui. Attends. C'est la vie qui vient qui va, je ne sais pas où elle mène, mais la route qui s'en va, je ne sais où elle me mènera. À travers les plaines, à travers les monts, je vais le cœur en peine, je suis un vagabond. Les gens me montrent du doigt, mais j'en ai rien à faire. Je ne me souviens plus de la suite, mais j'ai continué. À travers les plaines, à travers les plombs. Non, j'ai pas dit les plombs. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, au lieu de dire les mots, j'ai dit les plombs. À travers les plaines, beaucoup pètent les plombs, Pour couper le plomb, l'humanité tout entière semble ne pas comprendre ce qui se passe chez les invisibles. Vous parlez d'invisible, qui est visible? Quelle est la normalité? Je ne sais pas. Qui est normal? Qui est anormal? Pourquoi ces étiquettes? Pourquoi ces étiquettes? C'est la route qui s'en va, je ne sais pas où elle mène. Et nous sommes toujours là, ensemble mercredi. À travers les plaines, à travers les plombs, nous partageons des moments d'affection. À travers les plaines, à travers les plombs, je vais le cœur en peine. Je suis un vagabond, peut-être ma chanson ne plaît pas, mais moi les vagabonds, je les aime bien, car au fond ils ont au fond du cœur, de l'amour à donner, ils ont eu une vie pas très stable, mais chez eux, beaucoup d'amour à donner. Surtout ne stigmatise à ces personnes. Ne les stigmatisez pas, car ces gens-là sont comme moi. À travers les plaines, à travers les bons, je sais que je me cherche. Peut-être que mon âme est parmi vous, À travers les plaines, mon âme vagabonde. À travers les plaines, mon âme vagabonde. Bravo. Ouais. Bravo. C'était joli. Ouais, magnifique. C'est, tu l'as inventé là, c'est de la première. Ouais, Zenberg King, on dirait. Il y a une partie qui existe et l'autre partie, je l'ai oubliée. Bon, chaque fois qu'on va prendre Sion, il part. Bon, c'est pas grave. C'était mignon. Ouais. C'était non, en réel, c'était mignon. Touchant. Très calme. C'était... Ça nous calmait à tous. Oui. Ça portait... C'est une chanson qui permet, en fait... en fait, j'ai fait de la musicologie à la fac, parce qu'un professeur a parlé de ça, j'étais dans un autre cours. Il a parlé, il a vu que j'étais très intéressée parce que moi j'aime beaucoup, comment dire, j'aime le savoir. Et j'ai trouvé toujours les professeurs, j'étais admirative devant eux parce que leur savoir c'était comme, une, comme un coffret de trésors, quoi. On loue et on est émerveillé. Je pense que dans mes yeux, il a vu qu'en fait, j'étais transportée par ce cours-là. Et du coup, à la fin du cours, il est venu me voir, il m'a dit, je fais aussi un cours de musicologie. J'y suis allée, et en fait, j'ai compris quelque chose que je ne savais pas. Et on apprend des jours, on apprend des choses tous les jours. Et j'ai appris que les sons graves d'une voix amenaient la mélancolie. Et les sons graves, c'était les... Parfois, on peut dire, c'est pas les pulsions de mort, mais ça entraîne au fond de soi une vibration et une connexion avec quelque chose de profond chez nous. Et les aigus, ça crée une autre chose. Ça crée une dimension beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus festive, mais ça provoque une chose différente dans les vibrations. Et d'ailleurs, il nous a expliqué que les sons graves, dans certains hôpitaux, ils mettaient justement des musiques pour certains qui avaient des maladies assez importantes, des sons qui étaient qui apaisaient, qui soulageaient l'âme, parce que justement ça avait une un pouvoir très très apaisant. Je vois de quoi vous parlez, excusez-moi, ça doit être les battements binauraux. C'est comme les battements du cœur, effectivement, parce que le battement du cœur, lorsqu'on fait par exemple, je dirais pas du yoga, parce que moi j'aime pas trop le yoga, mais c'est mon affaire personnelle, je préfère les choses qui bougent beaucoup plus. Je trouve une autre intermédiaire pour pouvoir aimer les choses plus relaxantes. Mais effectivement, tu as raison. Lorsque, par exemple, c'est une autre image, lorsqu'on prend un chat à côté de soi et qu'on le caresse, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'incroyable. Ça a été étudié. Les battements du cœur du chat et notre battement du cœur, ben en fait, le rythme, il ralentit progressivement parce que ou le ronronnement du chat ou le fait de l'avoir sur soi, ça crée une plénitude. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont créé les bars à chat. Quelque part, c'est bien, mais je trouve que quelque part, c'est triste. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, le fait que les animaux soient bloqués dans un seul endroit, c'est quelque chose qui est... Enfin, après, j'espère qu'ils ne sont pas bloqués que là. Tu peux ? Ah, bah, il est 42. Donc, donc oui, par rapport au bar à chat, oui, j'en ai entendu parler. C'est vrai que ça se fait beaucoup au Japon. C'est une mode japonaise qui est apparue en France, je crois, dans les années 2010. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que par rapport à certains endroits, les conditions de vie sont assez sont assez tristes. Mais après, oui, c'est vrai que par rapport à avoir des chats à côté aide beaucoup à réduire l'anxiété. C'est surtout par rapport à ça, l'anxiété et aussi un autre type de blocage au niveau mental. Moi, je pensais plutôt, effectivement, les chats sont dans un endroit cloisonné. Moi, je pensais plutôt à la solitude de ces gens-là, qui en fait, selon moi, hein, c'est mon avis, le manque d'affection, le manque de toucher, le manque de présence, les amène à aller dans un endroit où en fait ils peuvent avoir cette tendresse, ils peuvent avoir ce toucher, ils peuvent avoir justement un contact. Et quelque part, quand on y réfléchit d'une manière un peu plus profonde, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas qu'au Japon ça a existé, parce qu'eux-mêmes ne sont pas du tout dans le tactile. Vraiment, il y a toujours une distance, et les mouvements affectifs les expressions affectives ne sont pas dans leur tradition quelque chose de qui existe profondément. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était quelque part assez triste pour moi, hein, c'est mon avis, c'est assez triste parce que ce sont pour moi encore, peut-être c'est subjectif, quelque part ces gens-là sont seuls. Bien sûr, peut-être qu'ils sont des amis, mais en fait, le fait d'aller là-bas, pour moi, c'est comme si c'était une solitude qu'ils essayaient de réparer. Mmh. Et quelque part, je trouve que notre monde aujourd'hui crée malgré lui une sorte de solitude qui fait que l'ami à qui on se confie, ou l'ami qui est proche, ou l'ami auquel on pourrait faire un câlin, fait qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus seuls et solitaires. Si je peux me permettre, les réseaux sociaux créent cette solitude. On a je ne sais combien de flowers, si on en parle, mais en fait, quelque part, on peut se dire que ce sont des geeks, mais et au-delà, c'est sorti des geeks, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a transformé en fait la génération d'aujourd'hui. Il y en a qui sont nés avec ça. Et qui ne connaissent que ça. Et quelque part, la vraie amitié, c'est un échange. C'est un échange. Le tactile, je pourrais en parler dès le départ. Il y a une étude qui a été faite. C'est une étude qui a été faite par Spitz. Et en fait, il a fait une expérience sur les enfants. Sur les enfants qui étaient en bas âge. Alors les enfants qui étaient en fait sollicités, qu'on touchait, qu'on câlinait, qu'on le prenait dans ses bras. Il y avait une, comment dirais-je, excuse-moi si je suis bavarde. Non, je vous écoute. Il y a, il y a, comment dirais-je, ce côté tactile, ce côté, comment dirais-je, portage fait que ces enfants sont épanouis et qu'ils ont accès à des apprentissages, et ils savent aussi qu'ils sont aimés, protégés. Mais à côté, il a fait une autre expérience avec d'autres enfants qui, eux, avaient à manger, à boire à travers leur biberon, mais n'étaient jamais, en fait, portés. Où on ne leur parlait pas. Il n'y avait pas de regard à regard. Il n'y avait pas une reconnaissance. En fait, c'était des objets. Et en fait, comme des objets, et l'étude a permis de se signifier, même si c'est dur, dans leur expérience, que les enfants qui n'étaient pas portés, les enfants qui n'étaient pas sollicités, les enfants à qui on leur donnait juste à manger et à boire, dépérissaient parce que justement, le côté contact, le côté câlin, mais je dirais même pas câlin, c'est le côté contact humain et surtout le regard. Parce qu'un enfant, quand il est né, il cherche aussi le regard, il y a le portage, il y a les odeurs. Et pourquoi j'en suis arrivée à là? Oui, justement, nous parlions de Baracha. Et je sais pas comment on a dévié, ouais, sur le Baracha. En tout cas, c'est super. Ta voix, déjà, il porte un... Oui, c'est bien. Ça nous porte. Ça nous fait du bien. Ça nous fait voyager. D'une, ça nous... Voilà, ça calme tout le monde. C'est Baracha. On mettre des haut-parleurs dans la ville, tu vois. On mettre ta voix, comme ça, tout le monde calme. Mais même, tu vois, à la place de faire la guerre... amener des armements pour que les gens se tuent, il faut porter des haut-parleurs avec ta voix, comme ça on va calmer tous les gens qui sont ennemis, tous les... Voilà, c'est comme ça, c'est une manière de... Moi j'ai fait ça dans le festival de son, j'avais fait la troupe de l'au-delà, et chaque musicien avait une fréquence, un pour éteindre le feu, l'autre pour faire rire la police, l'autre pour calmer le gens énervés, tu vois, on pourrait faire ça. Bon, Siol. On t'attend, excuse-nous, hein. on est parti avec Dune. Siol, viens, c'est à toi. Allez, viens. Siol et c'est Jimmy, hein, c'est ça. Je suis désolée, j'ai une pensée très linéaire. Ça et en fait, quand je suis partie... La parole à Siol. Mais pas de soucis, hein, franchement. Je t'en prie, vas-y, parle. Siol, c'est à toi. Bon, c'est à toi, je te passe la main. Merci. Avec plaisir. Beaucoup. Fais de l'ASMR. Vas-y, Siol, présente le projet là, avec Jimmy et ton prénom. Moi, ouais. Ah non, je ne fais pas partie du projet. Ah, tu n'es pas partie du projet. Ah non, moi, je suis personne. Ah d'accord. On entend des voix ici. Du coup, le projet. On voit des gens qui ne sont pas là. Vas-y, Siol. Le projet, bah, écoutez, la musique s'appelle Cursed. Et il a fait l'instrumental. Voilà. On a cliqué dessus. Tu le fais comment qu'est-ce que tu veux dire? Tu le fais avec tes instruments, voit ta rythme, tu fais quoi? C'est quoi les instruments qu'il y a dedans? Ah, c'est Jimmy qui a fait l'instrument. Pour faire les instrumentales. Oui. Pour faire les instrumentales, j'utilise un logiciel de musique qui s'appelle FL Studio. Oui. Ça fonctionne, oui, sur les boîtes à rythme. Fruity Loops. C'était avant Fruity Loops. Oui, Fruity Loops, c'est ouais. Ça. Et c'est ça, je suis dans la composition de mélodies, créer des rythmes. Utiliser des platines DJ, des claviers, si j'ai un instrument dans les mains, j'essaye de faire avec, même si je suis un petit peu limité, mais j'apprends. Mais sinon, oui, c'est sur logiciel et j'arrive à faire tout style de musique. Par exemple, avec un piano d'ordinateur, je peux vous faire croire que c'est un piano qui vaut 50 000 euros, alors que ça sort d'un ordinateur. Oh, ça dépend. Si tu as une oreille fine, hein, tu arrives toujours à faire la différence. Même à des gens qui ont l'oreille fine, hein. C'est déjà arrivé. En fait, c'est ça, je fais des instrumentales, mais après, je touche aussi au mixage, au sound design, à la masterisation, aux prises de voix, plein de choses. Cool, bien, super, bienvenue à la radio, merci de là. Allez-y, Siol et Jimmy. Et votre projet s'appelle comment? Cursed. Cursed. De la N-Corp. Incorporation. C'est bien ça. C'est moi qui commence. Hey. Ciao. N6, N9, Nero 6. Vas-y. 1, 1, 1, malédiction. Cursed. Cursed. Cursed. Malédiction, c'est pas de la fiction. Ton repère sera l'enfer, car ton père t'a rendu pour améliorer son chiffre d'affaires. Vas-tu éviter ton séjour en enfer? Tu te crois béni, mais t'es maudit, tu es cursed. Cursed. Cursed, cursed, cursed. Tu es cursed. Cursed. Cursed. Cursed, cursed. Cursed. Merci du groupe. A chacun spit un nouveau couplet. Supplix, malédiction, nihilisme. J'ai couplé comme des poules, j'caisse la mort. Yeah. Et ce reste la faucheuse qui t'attend la fâcheusité de pouvoir s'exprimer. Pas de sexe pour s'exprimer. Détruire l'OTAN, LGBT, néo-nazi, get. Tous les super vilains sont dans les costards. Les plus gros salopes deviennent des pop stars. Personne dit rien, tout le monde le constate. Tu crois pas au diable jusqu'à ce qu'il se manifeste. Fin du monde, on atteste. N-Corp, N6, N9, un plan gigantesque. Vos vies sont un test. Ce sont les voix de l'enfer qui l'attestent. Tout est cursed. Cursed, cursed, cursed, cursed. Tous cursed. Cursed. Voyez-vous béni, mais vous êtes cursed. Cursed. Cursed. Cursed. Cursed. Ouais, cursed. C'est quoi cursed? C'est quoi? Cursed. Ouais. Micro, micro. Ah oui. Ah oui, oui, oui, ok, maudit. C'est tous maudits. Ah ouais. Et là c'était les pianos, ah c'était ouais, pas les pianos, ça change vraiment. Ah oui, carrément. Ouais. Vous savez pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? La Rena a commencé à s'éloigner. Ce qui est maudit. Attendez, attendez, qui est maudit? Moi je suis bien maudit. Tout le monde est maudit. Je suis maudit, oui, je suis maudit. Ah bon? Tout le monde. Réponds le micro. Tout le monde est maudit, mais en particulier le premier ministre indien qui s'appelle Monsieur Modi. Les maudits. Mais maudit, c'est malédiction. En fait, c'est ouais, c'est ça, c'est 666, 666, enfer. Mais tu sais d'où ça vient, les mots. Maudit. Oui, des maldits. Ça, tu dis mal une chose. Maladie, c'est une chose maldite. Donc, c'est pour ça qu'il y a les poètes pour dire les choses autrement. Et changer. Et vous pensez que vous êtes maudit, maudit de quoi? Parce que vous êtes homosexuel, c'est ça? Non, pas du tout, au contraire, hein, je suis, comment dire, c'est contre ça en fait. C'est les gens qui sont maudits et qui sont homosexuels. Moi je suis trop à l'opposé de ça, voyez-vous. Ah non, non, non, non, non, faut pas dire ça, c'est des propos homophobes. Mais je suis homophobe et fier de l'être. Ah d'accord. Vous êtes homophobe, moi j'aime pas les homophobes. Vous pouvez ça ne pas aimer. Ça part en freestyle. Ah là c'est limite, limite, hein. Ah vous pouvez. Hein. Mais tu as le droit d'exprimer. Ça part en freestyle. C'est bon. Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez un homme? T'aimes un homme, qu'est-ce que t'aimes pas? C'est contre nature. Mais c'est pas contre nature. C'est quoi contre nature? C'est quelque chose qui va contre ce que l'humain a fait, ce qui fait que l'humain réussit, ce qui fait que l'humain est ce qu'il est. Ça c'est pas l'humanité, ça c'est des gens qui sont possédés par des démons. Ils sont pas possédés par des démons. Les homosexuels, ils sont possédés par des démons. Moi, je pense que ce sujet-là, il est trop délicat. Et en fait, le fait de dire... Pardon, hein. Ouais, je crois que... Pardon, je pense que ce sujet-là est beaucoup plus... Moi, je pense qu'un homosexuel, il est comme tout le monde. Pas du tout. Non, c'est un animal et non un humain. C'est un peu... Ah non. Non, non, non, non, non, non. Faut pas dire ça. Attention, il y a une crise. Oui. Ouais, faut changer de bon, je pense qu'il faut changer de sujet. Pourquoi changer de sujet à chaque fois J'ai juste un. Juste un truc à dire. Ouais. Non, j'ai pas. Oui, ça, c'est dérangeant. Oui, ça, ça je peux m'abroger de vous. Faut-il qu'il change de place c'est alors c'est bizarre. En fait, pour moi, non, mais en fait, pour moi, c'est simple. En fait, la France, en fait, c'était, en fait, avant, dans ce pays, il y avait au-dessus Jésus au-dessus des gens. Après, il y a des gens qui ont mis la Marianne au-dessus des gens, qui est le satanisme. La République est sataniste et les homosexuels, par association, sont satanistes, comme les transgenres, comme les LGBT et toutes ces déviances. Je suis pas d'accord. Mais Jésus était homosexuel, mon chéri, non ? Non, pas du tout. Attends. Ça veut dire que moi, comme moi, je suis polyamoureux, vous m'acceptez pas non plus. C'est une déviance sexuelle, madame. Je suis polyamoureux. Et amoureuse. Et encore, il est poly. Il est rigolo. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui pensent ça, donc les gens s'expriment. Mais c'est pas peine de venir à la radio pour parler de ça, alors. Si, au contraire, il faut venir pour faire de la propagande. Non, je suis pas tout la propagande. Moi, j'accepte les homosexuels. Moi, je penserais... Là, il y a une amie qui s'occupe d'un journal, justement, à Berlin, qui m'avait montré son journal, LGBT, je m'excuse, cher voisin, et qui disait qu'en fait, la guerre en Ukraine, c'était une guerre qui avait été déclarée aussi, parce qu'il considérait que Kiev et tout commençait à devenir une ville maudite, Sodome et Gomorre et tout, et, oui, que, tout et que quelque part, les Russes... Je dis ça parce que tout à l'heure, quand je vous disiez quelle guerre, parce que je montrais un tableau... Voilà. Non, mais il y a des gens qui pensent ça. Il faut quand même savoir qu'on ne pense pas tous sur la planète. C'est-à-dire que des gens, quand j'ai vu ça dans ce journal, en fait, c'était une opération déclenchée pour détruire Sodome et Gomorre que devenait Kiev à cause des loyers pas très chers. Donc les gens de Berlin commençaient à aller là-bas. Je vous dis ça comme ça parce que c'est un journal qui est sorti il y a 3 mois. Et quand j'ai vu ça, Annabelle Georgène, la rédactrice en chef, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a comme ça toutes les forces réactionnaires de la planète, que ce soit l'islamisme, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois. Il y a une forme comme ça de réaction en fait à la liberté qui s'est mise en place depuis les années 70. Bon, un solo de xylophone. On peut finir, on a 2 minutes pour Radio Pinot. Vas-y, tous les deux, prenez votre attention avec les micros, ne mettez pas sur le devant. Ouais, 2 micros, xylophone, voilà, ok. On y va. Moi, artiste inconnu. Voilà. Anonymous. Anonymous et Fofanata qui est notre xylophoniste étoile. Ouais. Mais prenez, jouez toutes les deux là. Mais si, vas-y. Je vous laisse mon téléphone, cher voisin. Il faut prendre un autre. Ouais. Il faut l'administrer sa dose là. Vas-y, Fofanata, on dit au revoir. Solo. Magique. Excuse-moi, quelle gamme sais-tu? Musical, cherchez musical. Quelle gamme musicale? La gamme inconnue.